Sully Prudhomme, la reine du bal. Oui, je sais qu'elle est la plus belle, la reine du bal, je le sais, mais je suis un vaincu rebelle, je ne la servirai jamais. Contempler en face, patient j'attends mon tour, et qu'humblement je prenne place au long des filets de sa cour, qu'après mille autres je murmure mon hommage à sa royauté, quelque fadeur inepte injure du désir lâche à sa beauté. Ramasser une rose tombée à terre de son front, je me précipite et m'expose à ne pas être le plus prompt. Oui, je sais qu'elle est la plus belle, la reine du bal, je le sais. Je suis un vaincu rebelle, je ne la servirai jamais. Que de son sourire suprême, j'épie des robes ma part, et me viennent poster moi-même sur le trajet de son regard. Que de sa chevelure blonde, j'aspire le banal parfum qui s'exhale pour tout le monde et ne fut choisi pour aucun. Sentir dans mes bras à la danse l'abandon menteuse douce qu'inspire aux vierges la cadence dont la tendresse du valseur. Pour qu'ensuite ce premier rêve, qui n'est encore qu'un vague émoi, commence sur mon cœur s'achève, au gré d'un plus hardi que moi. Jamais non dans cette lumière, devant tu n'auras jamais, reine l'aveu d'une âme fière. Et la mienne est sauvage, je m'aime. Si tu veux savoir que je t'aime, quand te bravant j'ai succombé, qu'après le bal, cette nuit même, quand ton sceptre sera tombé, à l'heure où fermant la paupière sur ton lit tu te jetteras, de peur de manquer ta prière, assoupiant, croisant les bras, ou satisfaite de ta gloire, mais trop lasse pour en jouir, tu laisseras dans ta mémoire la fête au loin s'évanouir, tandis qu'aux vitres de ta chambre, par un ciel morne et ténébreux, couleront les pleurs de décembre, pareil aux pleurs des malheureux. Fais ce songe que je m'arrête, la face au vent, les pieds dans l'eau, pour chercher l'ombre de ta tête sur la blancheur de ton rideau. Oui, je sais qu'elle est la plus belle, la reine du bal, je le sais, mais je ne suis qu'un vaincu rebelle, je ne la servirai jamais.